rêvé ensemble comme famille. Nous t'es toujours comme frère et sœur. En l'autant passé nous grandis. On y en bat ni secret pour toi. L'amitié fait place à l'amour qui j'en dois être fait. Pour balancer. Et moi aimé à la folie. Sans qu'elle soit trahie. C'est tant que mes dans amis. Peut-être que ça qui fait sourire. A te que tellement aimé, même parfois, a qu'à rêver. Et il répond moi lui aussi, longtemps. Il aime moi. Sans faire rien, on peut pas toujours faire semblant. Semblant était indifférent. Indifférent. Indifférent.